1956, l'année terrible. L'année de la nationalisation du canal de Suez, de l'insurrection de Budapest, de l'expédition franco-britannique de Suez. Une année, enfin, sanglante en Algérie, où devant les progrès de la rébellion, le gouvernement de Guy Mollet s'est décidé à rappeler des classes déjà démobilisées. Tous ces événements sont liés, m'a dit M. X, au cours d'un long entretien dont j'ai diffusé la première partie la semaine passée. Je résume. En juillet, le colonel Nasser, furieux de ne pas avoir bénéficié d'un prêt des puissances occidentales pour construire le gigantesque barrage d'Assouan, a décidé de riposter en nationalisant la compagnie du canal de Suez. En fait, ce sont surtout les États-Unis qui ont refusé ce prêt, en espérant ainsi éloigner l'Égypte de l'URSS. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Non seulement Nasser a nationalisé le canal, mais il a demandé à Moscou de l'aider à financer son barrage. Face à ce qu'ils estiment être une spoliation, Britanniques et Français envisagent très vite de répondre par la force. En tout cas, ils s'y préparent. Mais les choses traînent, car les deux pays ne poursuivent pas forcément les mêmes objectifs. Pour la France en particulier, il s'agit, selon M. X, avant tout, de se débarrasser de Nasser, Nasser qui arme les rebelles algériens du FLN. Nasser, que les services français ont déjà essayé de liquider physiquement, mais en vain. À la mi-octobre, un coup de main audacieux téléguidé par le SDEC aboutit à l'arraisonnement dans les eaux internationales d'un bateau bourré d'armes chargé à Alexandrie. Des armes destinées au FLN. La collusion de Nasser et des rebelles algériens est ainsi clairement établie. Cela renforce encore le camp des durs, de ceux qui veulent à tout prix en découdre avec le dictateur égyptien. Il y a en outre le problème israélien. Israël, en effet, non sans raison, estime que tôt ou tard, une nouvelle guerre éclatera. La France, alliée traditionnelle de l'État hébreu, ne peut pas rester sans réagir si la menace se précise. Enfin, un dernier point. À la fin de la première partie de cet entretien, M. X m'a dit qu'une semaine après l'arraisonnement de ce bateau chargé d'armes, et seulement quelques jours avant le début de l'engagement franco-britannique à Suez, une autre opération allait être engagée, tout aussi risquée que la première et tout aussi illégale. Et là encore, d'après mon interlocuteur, le SDEC était au premier rang. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je me souviens parfaitement de ces derniers jours d'octobre. La tension montait, elle était presque palpable. Mais dans l'attente du déclenchement de l'attaque en Égypte. Oui, oui, nous devinions tous que c'était imminent, mais à l'évidence, les Anglais traînaient les pieds. Le débarquement reculait de semaine en semaine. Oui, mais si vous saviez, c'est que le secret n'était pas absolu. Bien sûr, il y avait des fuites. Mais dans les services, nous étions d'autant mieux informés que le bataillon où le SDEC recrutait des hommes pour son service action. Le fameux 11e choc, là. Oui, donc ce bataillon devait participer à l'action et être parachuté au-dessus de l'Égypte. Et si je me souviens bien, une partie des hommes était déjà partie à Chypre, qui avait été choisi comme base opérationnelle arrière. Vous l'avez dit, les Anglais traînent les pieds. Oui, oui, ils trouvent toujours des prétextes pour retarder le débarquement. Et pourtant, dans un souci de conciliation, la France leur a confié le commandement militaire de l'opération, une décision grave de conséquence. Pourquoi grave? Parce que sur le terrain, les Français seront toujours à la remorque des Britanniques. Et quand ceux-ci prendront la décision de décrocher, les troupes françaises également devront cesser le combat. Dites-moi, une question personnelle, là. J'ai l'impression que vous partagiez, vous aussi, cette animosité contre Nasser, là, cette envie d'en découdre. D'abord, mes sentiments ne regardent que moi. Oui. Enfin, puis je ne crois pas vous avoir jamais donné l'impression que j'étais un va-t-en-guerre. Ça, je dois le reconnaître, oui. Bon, et moi, contrairement à beaucoup d'autres, je n'ai jamais prétendu que Nasser était un nouveau Hitler. C'est tout à votre honneur. Puis ensuite, dans cette histoire, je me contente de vous donner un avis de technicien. Ce commandement accordé aux Anglais, c'était, pardonnez-moi l'expression, de la foutaise. Quand on décide de faire la guerre, il faut avoir les mains libres. Enfin, heureusement, il y avait les Israéliens. C'est grâce à eux que nous avons pu contourner la mauvaise volonté britannique. Mais de quelle façon, alors? Oh, c'est une question encore mystérieuse à bien des égards. Mais racontez quand même, alors. Officiellement, l'histoire est connue. En cette année 1956, les Israéliens se sentent de plus en plus menacés. Menacés par leurs voisins arabes? Bien sûr, et en particulier par Nasser. Ils sont persuadés que tôt ou tard, les Arabes voudront prendre leur revanche et effacer la défaite de la première guerre israélo-arabe. En conséquence, ils viennent implorer la France. Ils demandent une aide militaire. Et des livraisons massives d'armes. Le vieux lion Ben-Gourion vient lui-même secrètement en France discuter avec Guy Mollet. Et d'après les témoignages qui ont été publiés plus tard par les rares témoins de cet entretien, Ben-Gourion tient un discours dramatique. Que dit-il, vraiment? En gros, il dit à Guy Mollet qu'on ne peut pas laisser massacrer les survivants des camps de la mort. Un argument qui ne peut pas laisser insensible le président du Conseil français qui a été résistant. Hein, non, non, d'autant que le jeune État hébreu est socialiste. Comme Guy Mollet. Oui, mais en réalité, les choses se présentent autrement. Ce sont d'abord les Français qui sont demandeurs, aussi étonnant que cela paraisse. À cause de la mauvaise volonté anglaise? Bien évidemment. Le but, toujours le même, c'est de se débarrasser de Nasser au plus vite. Nasser qui, rappelons-le, est le plus ferme soutien du FLN algérien. Oui, oui. Alors nos gouvernants sollicitent Israël. Et ils imaginent le plan suivant. Pour écarter la menace mortelle qui pèse sur eux, les Israéliens prennent l'initiative et lancent une offensive contre l'Égypte. Bien sûr, nous les aurons préalablement armés. Et certains de nos pilotes leur viendront en aide en volant sur des avions de chasse français repeints aux couleurs israéliennes. Ça veut dire que la France n'interviendra pas elle-même? Si, mais enfin d'une façon curieuse. On laisse l'armée israélienne agir quelques jours, le temps pour elle de s'approcher des rives du canal de Suez après avoir défait les troupes égyptiennes. Dans le Sinaï? Oui, et c'est effectivement ce qui se passera. Donc au moment où les Israéliens sont en vue du canal, la France intervient, avec ou sans les Britanniques, pour en principe séparer les belligérants. Mais c'est une fiction simplement destinée à justifier l'intervention militaire française. Et les Israéliens donnent leur accord à un tel plan? Ils n'y sont pas a priori hostiles. Tout ce qui peut affaiblir Nasser est bon pour eux, mais ils posent des conditions. Lesquelles? Je n'ai pas de preuves, simplement une intuition, mais je crois que je suis dans le vrai. Expliquez. Depuis longtemps déjà, Tel Aviv fait le forcing pour obtenir de Paris une coopération accrue en matière nucléaire. Afin de construire un jour la bombe, j'imagine. Naturellement, vous ne l'ignorez pas, la France est assez avancée dans ce domaine. C'est le gouvernement de Pierre Mendès France en 1954 qui a pris secrètement l'initiative de lancer la France dans l'aventure nucléaire. Il faudra quand même attendre encore 4 ans pour assister à l'explosion de la première bombe atomique française. Vous avez raison. Enfin, technologiquement, dès 1956, nous sommes déjà très au point. Et si nous le voulons, nous pouvons aider de façon très efficace les équipes scientifiques israéliennes. Ben-Gourion subordonne donc son accord au plan français à cette acceptation d'une coopération nucléaire? J'en suis persuadé, oui. Il suffit d'observer la concomitance des dates. Ben-Gourion vient rencontrer secrètement Guy Mollet vers le 20 octobre. Le 22, je crois. Or, à peu près au même moment, le gouvernement français donne l'ordre au commissariat à l'énergie atomique de coopérer avec les Israéliens. Ça me paraît clair, non? Ouais. Mais les Anglais, dans tout cela, ils sont mis à l'écart. Hein. À l'écart de cette négociation sur le nucléaire, certainement. Pour le reste, non. Et encore une fois, grâce à Israël. Car maintenant, il est clair que Tel Aviv va passer à l'attaque. Les Britanniques en sont informés, ils vont donc être obligés de suivre et d'en passer par le plan français. C'est-à-dire de faire semblant de se poser en arbitre entre les belligérants afin de justifier leur intervention militaire. Exactement. Et je dois à l'honnêteté de dire que si dans sa grande majorité la classe politique anglaise et l'état-major sont hostiles à une expédition militaire en Égypte, le premier ministre de l'époque, Anthony Eden, était lui sur la même ligne que le gouvernement français. Il voulait la guerre. Absolument. Et pourtant la pression américaine était très forte. Les Américains qui eux étaient opposés à une expédition franco-britannique. Oui, violemment hostiles, oui. Je vous l'ai déjà dit, et ils feront tout, je vous l'expliquerai plus tard, pour faire avorter l'initiative franco-britannique. Avec succès d'ailleurs, et Londres devra s'incliner. Mais c'est normal, les Anglais ont toujours regardé vers le grand large plutôt que vers l'Europe. Oui, ils en étaient naturellement sensibles aux sirènes américaines. Bien sûr, mais avant de vous expliquer comment, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Parce que le jour même où le vieux Ben-Gourion vient rencontrer Guy Mollet à Paris... Le 22 octobre, avez-vous dit? Oui, et bien ce jour-là, mes bons amis du SDEC prennent une initiative qui va avoir des conséquences considérables. Le 22 octobre 1956, Ben-Gourion, accompagné de Golnameir et de Moshe Dayan, rencontre donc secrètement Guy Mollet dans une villa de Sèvres. Christian Pinault, le ministre français des Affaires étrangères, assiste à l'entretien. Voici ce qu'il rapporte des propos de Ben-Gourion dans un livre consacré à la crise de Suez. Israël a décidé de prendre l'offensive contre l'Égypte. Non seulement celle-ci a commis une agression en interdisant le passage des navires israéliens à travers le canal et en bloquant le golfe d'Aqaba, mais Nasser a concentré dans le Sinaï une puissante force d'intervention composée en majorité de blindés soviétiques qui peut à tout instant déferler sur Israël. Or, nous sommes un petit pays dont le cœur est à proximité de ses frontières. Ne pouvant nous permettre aucun recul, nous sommes condamnés à l'offensive. En tout état de cause, notre décision est prise, mais nous aimerions obtenir des Français et des Anglais plus qu'une assurance de neutralité. Il nous faut, en matière d'aviation, une aide efficace. Les avions de chasse français peuvent nous aider à contenir la chasse adverse. Les avions de bombardement britanniques à clouer au sol l'aviation égyptienne. Notre crainte, poursuivit Ben Gourion, n'est pas de perdre la bataille du Sinaï, pour le moment nous sommes sûrs de la gagner, elle l'est de subir sur nos villes, notamment Tel Aviv, des raids massifs de l'aviation égyptienne. Or, les rapports de nos services secrets sont formels. Les Ilyushin soviétiques sont en mesure de nous causer les plus graves dommages. Pas plus que nous ne pouvons, en reculant, perdre de précieux kilomètres, nous ne pouvons risquer de sacrifier de 5 à 10% de notre population pour prix d'une victoire militaire. En conséquence, êtes-vous prêt à nous aider et dans quelle mesure? Êtes-vous disposé à faire pression sur les Britanniques pour obtenir le concours de leur aviation? Il nous faut une réponse dans les 48 heures. Mais Christian Pinault ne dit mot du marchandage nucléaire qui, selon M. X, aurait aussi fait partie de la négociation. Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, si le gouvernement français de l'époque veut abattre Nasser, c'est qu'il est persuadé qu'il mettra ainsi fin à la guerre d'Algérie. C'est d'autant plus urgent que ça bouge dans tout le Maghreb. C'est-à-dire? Afin de mettre la France devant le fait accompli, le Maroc et la Tunisie envisagent de créer avec les dirigeants du FLN une confédération nord-africaine. Ce serait évidemment un pas très important vers l'indépendance algérienne. J'ajoute que les États-Unis, naturellement, n'y sont guère hostiles. Or, la réunion des chefs d'État maghrébins avec les chefs du FLN doit se tenir justement fin octobre à Tunis. Mais vous avez dit aussi que le gouvernement de Guy Mollet avait commencé à discuter discrètement avec le FLN. C'est juste, même si ces contacts ne passaient pas officiellement par des représentants du gouvernement, mais par des émissaires socialistes. C'est à peu près la même chose, puisque les socialistes sont alors au pouvoir. Oui, mais ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Parmi eux, il y en a tels Robert Lacoste ou Max Lejeune, tous deux ministres, et qui sont violemment opposés à l'idée même de l'indépendance. Et ces hommes, mais ils ne sont pas les seuls, sont décidés à tout faire pour que cette conférence de Tunis n'ait pas lieu. Mais tout faire, mais comment? J'y viens. Vers le 20 octobre, pour préparer cette conférence de Tunis, les chefs du FLN, dont Ben Bella, Haider, Aït Ahmed, sont reçus en grande pompe par le sultan du Maroc. Inutile de vous dire que dans les services, nous suivons ça de très près. Or, l'un de nos agents du SDEC au Maroc livre une information de première importance. Ces chefs du FLN vont se rendre à Tunis en compagnie du sultan du Maroc, dans l'avion personnel de ce dernier. Mais pourquoi cette information est-elle si importante? Mais parce que l'avion royal va survoler le territoire algérien. C'est-à-dire que les chefs de la rébellion vont survoler l'Algérie. Et aussitôt à Alger, les chefs militaires pensent à arraisonner l'avion. L'avion du sultan? L'avion du sultan, oui. Mais l'occasion paraît trop belle malgré la cascade de difficultés diplomatiques qui suivra inévitablement. Oui, mais ces chefs de l'armée-là, peuvent-ils agir sans en référer à Paris? En principe, non. Mais je vous l'ai dit, l'occasion est trop belle. Et pour ces hommes, il n'est pas question d'hésiter. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que ces militaires ont aussi des arrière-pensées. Oui, c'est-à-dire saboter la conférence de Tunis. Et mettre un terme aux négociations commencées avec le FLN, c'est clair. Ouais. En tout cas, d'après ce que vous dites, le gouvernement est tenu dans l'ignorance. Seul Max Lejeune, le secrétaire d'État aux forces armées, est informé. Et il donne son feu vert en se gardant bien d'avertir le chef du gouvernement. Toutefois, au dernier moment, une difficulté de taille se présente. Quoi? L'agent du SDEC au Maroc signale que finalement, les chefs du FLN vont voyager dans un autre appareil. Pour quelle raison? Il y a une fuite? Non, mais j'imagine que Mohamed V a dû soudain réaliser que faire voler ses dirigeants dans son propre avion pouvait apparaître aux yeux des Français comme une véritable provocation. Or, l'indépendance marocaine était encore toute neuve. Mmh. Et le souverain chérifien avait besoin de la France. Ne serait-ce que parce qu'une partie de l'administration du pays était encore assurée par des fonctionnaires français. Mmh. Donc les chefs du FLN vont monter dans un autre avion? Oui, un avion commercial piloté par des Français et mis à leur disposition par le gouvernement marocain. Et comme l'aviation civile marocaine est encore en grande partie contrôlée par la France, il n'est pas bien difficile de se procurer le plan de vol de l'appareil. Oui, mais enfin, je pense qu'il n'est plus question quand même de surveiller l'Algérie. Non, sans le roi du Maroc à bord, c'est trop dangereux. Ouais. Encore que les chefs militaires à Alger n'auraient pas hésité à raisonner l'avion royal. Ouais, là, vous avez raison. Enfin, il reste que l'avion de Ben Bella et de ses compagnons doit faire un très large détour pour rejoindre Tunis et surtout échapper aux écoutes du centre de contrôle d'Alger. Ouais. Un large détour jusqu'où? Jusqu'au côté espagnol. Une escale est même prévue aux Baléares. Donc, bien loin de l'espace aérien contrôlé par les autorités françaises. Ouais. Ouais. Donc, en principe, impossible de la raisonner. Une nouvelle fois, en principe, oui. Mais les militaires et les gens du SDEC qui dirigent l'opération sont prêts à tout pour capturer les chefs FLN. Alors, vous allez m'expliquer comment ils font? Comme leurs informations sont très précises, ils se placent sur la longueur d'onde des Espagnols. Et par l'intermédiaire de la tour de contrôle d'Oran, ils entrent directement en communication avec l'avion. Mais quel est le but? D'abord, ils apprennent à l'équipage que plusieurs chefs du FLN se trouvent à bord. Que l'équipage français, hein, je le précise, il l'ignorait. Absolument, c'est en tout cas ce qu'il prétend lors de cette première communication. Ensuite, Oran ordonne au pilote de venir se poser en Algérie. Et comme le pilote demande des explications, on lui dit c'est un ordre du ministère de la Défense nationale. Oui, mais enfin, l'appareil vole dans l'espace aérien international, et deuxièmement, il appartient à une compagnie étrangère. Alors pourquoi le Le pilote obéirait-il? C'est absurde, non? Mais oui, mais c'est un pilote français, je vous le rappelle. Et incontestablement, les hommes au sol qui conduisent l'opération font appel à son patriotisme. Et comment réagit ce pilote? Il n'a pas l'air décidé à obéir. Et il se pose à Palma de Mallorca comme le prévoit son plan de vol. Mais dès qu'il reprend l'air, le harcèlement recommence. Et cette fois, c'est Alger qui a pris le relais. Et avec encore plus de vigueur. Le pilote, qui doit être effaré, entend cette voix insistante qui bourdonne sans arrêt dans son casque. Il nous faut les félouses, il nous faut les cinq salopards. Les cinq salopards. Ouais. Mais est-ce qu'il ne réfère pas à sa compagnie? S'il le fait, il demande des ordres. Mais les militaires français se débrouillent pour brouiller les transmissions entre l'avion et Rabat. Le pilote est donc seul maintenant? Tout à fait. Et la pression se fait de plus en plus forte. Alors, dans un dernier sursaut, le pilote qui parle au nom de tous les membres de l'équipage évoque les familles qui se trouvent au Maroc. Ouais, les familles de l'équipage, des familles sur lesquelles on pourrait se venger. Bien sûr. Alors, la réponse d'Alger est immédiate. Vos familles, nous nous en occupons tout de suite, on va les mettre en lieu sûr. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Au Maroc, où nous avons toujours des troupes, des camions de l'armée s'arrêtent devant toutes les maisons où habitent les familles de l'équipage. Et femmes et enfants sont immédiatement embarqués, direction la frontière algérienne. Le pilote est alors rassuré, est-ce qu'il va se diriger vers Alger? Oui, mais il y a un dernier problème. Encore? Les dirigeants du FLN sont armés. Ben Bella, par exemple, dispose d'une mitraillette. S'il s'aperçoit qu'il a été piégé, il risque, lui et ses compagnons, de prendre l'équipage en otage ou même de faire un carnage dans l'avion. Alors il faut ruser. Alger étant plus proche que Tunis, l'avion doit tourner en rond pour atterrir sur l'aérodrome de Maison-Blanche à l'heure prévue de son arrivée à Tunis. Et les passagers, enfin je veux dire, les chefs FLN, là, ils ne se rendent compte de rien? Non, comme ils n'apercevront pas les deux avions de chasse qui escorteront l'avion jusqu'à Alger, au cas où. Mais lorsque l'avion atterrit... Ils doivent quand même réaliser qu'ils ne se posent pas à Tunis. Vous savez, tous les aérodromes se ressemblent. Non, ils sont simplement étonnés de constater qu'il y a un grand nombre de forces militaires sur le terrain. Et lorsqu'ils comprennent enfin qu'il s'agit de soldats français, il est trop tard. L'avion s'est immobilisé, l'équipage a déjà sauté par l'ouverture de secours. Ouais, et Ben Bella et les siens sont donc faits prisonniers. Évidemment, ils ne peuvent faire autrement que de se rendre. Mais l'affaire ne fait que commencer. Et cet acte de piraterie aérienne perpétré par le haut commandement français constituera paradoxalement une première victoire pour Nasser. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quelles sont les réactions en France à l'annonce de la capture de Ben Bella et de ses compagnons? L'opinion, sauf dans certains milieux de gauche et d'extrême gauche, approuve. Mais Guy Mollet et surtout le président de la République, René Coty, sont furieux. Revenons une nouvelle fois au livre de Christian Pinault, qui était alors, je le rappelle, ministre des Affaires étrangères. Le soir même, Pinault se rend à l'Élysée. Il raconte son entrevue avec le chef de l'État. Je trouvais celui-ci dans un état de colère inhabituel pour un homme aussi calme et modéré dans ses expressions. « Celui qui a ordonné cette connerie, me dit-il, nous fera perdre la guerre d'Algérie. » Non seulement je garantis l'authenticité du propos, mais je partage cette opinion. Le ou les irresponsables qui ont monté l'affaire sont en partie responsables du départ des Français d'Algérie. L'arrestation de Ben Bella et de ses compagnons a été en effet le tournant décisif de la guerre. La France, jusque-là, avait pu conserver l'espoir de trouver un accord avec le FLN. Elle était désormais condamnée à obtenir une victoire militaire totale, à laquelle de nombreux officiers de l'état-major ne croyaient déjà plus, ou à abandonner l'Algérie, capitulant ainsi sans condition. Seul un homme comme le général de Gaulle était capable de perdre une telle bataille en sauvant la face. Que pouvons-nous faire? Demandai-je au président. Aucune hésitation possible. Il faut relâcher les prisonniers. Nous n'avons plus le choix. Mais, on le sait, les chefs FLN resteront incarcérés jusqu'à l'indépendance. Guy Mollet, s'il avait décidé de les libérer, aurait certainement été renversé par la Chambre. Une semaine avant de déclencher l'opération de Suez, il ne pouvait pas prendre ce risque. J'ajoute qu'au Maroc, à Meknès, plus de 30 Français ont payé de leur vie cette affaire. Vous avez dit, cette affaire de la capture de Ben Bella constitue une victoire pour Nasser. Alors pourquoi? Parce que le monde arabe tout entier va condamner l'attitude de la France. Et même ceux qui étaient hostiles à Nasser vont être tentés de se rapprocher de lui, le leader du panarabisme. Et 8 jours plus tard, lors de l'expédition de Suez, ils seront encore à ses côtés pour condamner l'agression israélo-franco-britannique. En tout cas, les initiateurs de cette affaire peuvent considérer, à court terme, qu'ils ont réussi. De leur point de vue, oui.

Jamais, vous m'entendez, il n'a été question d'envoyer des fusées sur Paris ou sur Londres. Et jamais non plus, il n'y a eu de mobilisation des forces conventionnelles soviétiques. Alors toutes ces informations reçues le 6 novembre, là, certaines provenant d'agents français du SDEC. Une pure intoxication, toutes ces informations étaient fausses. Mais qui en était les auteurs? Des services américains. Incontestablement, les États-Unis ne voulaient à aucun prix d'une victoire franco-britannique en Égypte. Pourquoi? Je vous l'ai dit, les Américains voulaient supplanter les anciennes puissances coloniales dans le monde arabe. Mais... quelles ont été les conséquences de cette affaire, alors? Bien d'abord, très habilement, Nasser a transformé en victoire politique ce qui était quand même une défaite militaire. Son prestige a donc été accru dans le monde arabe. Et bien sûr, le FLN algérien a très vite compris le parti qu'il pouvait tirer de cette victoire paradoxale de son principal allié. L'autre conséquence a été désastreuse pour la France. Une nouvelle fois, les officiers français, après l'Indochine, ont avalé une couleuvre en étant obligés précipitamment d'évacuer Suez. Et ils ne sont pas prêts de l'oublier. Les États-Unis, a dit M. X, voulaient supplanter les anciennes puissances coloniales. Une analyse partagée par l'historienne Georgette Elgey, qui déclare ceci à la revue L'Histoire en 1996. Les États-Unis tiennent à cette époque un discours résolument anticolonialiste. L'entente avec les dirigeants arabes leur semble une nécessité qui ne souffre pas de discussion. Ils reprochent aux Anglais de ne pas le comprendre. Ils les accusent de colonialisme et jugent indispensable de prendre le leadership dans cette partie du monde qui, jusque-là, à l'exception de l'Arabie Saoudite, très proche de Washington, était le fief incontesté de Londres. Quant à l'amertume de l'armée française après cette affaire, elle est bien exprimée par Raymond Tournou dans son livre « Secret d'État » publié chez Plomb. Déçu, mais non encore désespéré, l'armée d'Égypte regagna l'Algérie, drapeaux et étendards roulés, mais ornés de la médaille commémorative du Moyen-Orient. Pas de doute, nous détenons deux solides records mondiaux, opinèrent les popotes, celui des décorations et celui des coups de pied au cul. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec X, et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire, communiquer avec nous sur le site www.franceinter.com. Merci à Patrick Pénaud.